Le homepage d'Internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et le homepage d'Internet polonais La République populaire démocratique de Corée ont inséré le 23 courant l'œuvre du général Kim Jong-il pour le développement de l'armée populaire et l'établissement du climat social faisant grand cas des affaires militaires.